25 mètres carrés. Que derrière ma fenêtre, que derrière mon rideau, je serai quelqu'un pour les autres. Écrire aussi bien que celui qui meurt, assez bien pour qu'au moins une personne m'écoute. Celles dont les oreilles sont si fragiles que seuls les bons mots pourront effleurer sans blesser. Je ne suis pas mourant, ma vie est simple et emmerdante. Que puis-je faire pour sortir du lot? Tu me dis que la vie ça se construit, mais je laisse filer la mienne sans même tenter de la détruire. Je ne veux pas mourir dans l'oubli, j'entends bien. Je laisse des traces sur des papiers de glace sans jamais imprégner les esprits. Je suis égoïste, merde, je veux être unique. Je veux que disparaître, trop de crève. Je veux que vivre tout comble. Je veux pleurer et te faire rire. De ne rien sentir, de regarder les années par avance, sans qu'aujourd'hui me touche. Je suis déjà vieux, mon cœur putride, sans déjà la famine. Depuis que j'ai trouvé à ma cabine, dans mon placard, la flamme s'est éteinte. Oui, que l'étincelle qui brûle si vite. Donnez-moi de l'amour et je vous donnerai du mépris. Repoussez-moi et je vous aimerai. Le bonheur m'emmerde, le bonheur m'emmerde. Et ma vie à coups de hache. Pas bosser 40 ans derrière un PC. Laissez-moi écrire, chanter, jouer. Sinon vous me tuez et vous pourrez bouffer mon cœur. Comment vous dire que si je ne chante pas je me ferai chier? Comment te dire que je veux t'aimer? Comment me dire que je peux y arriver? Et même que ça doit pas durer, il y a toute manière d'en jouir. Et si je le dis pour pas le faire, alors je ferais mieux me taire. Alors j'en rajoute juste une dernière et je ferme ma gueule. We'll be right back.